quand on est absorbé, par exemple, dans une lecture, et puis qu'on a des images mentales de ce qu'on est en train de lire, quand on est absorbé même dans un film, vous voyez. Quand on parle à quelqu'un et puis il vous répond pas parce qu'il est complètement absorbé, ben il est dans un état de transe. Hein. Soigné par l'invisible, une création radiophonique de l'Institut international de recherche sur la radio et la magie. Deuxième épisode, Transformation. C'est quoi la trans? Cos'è? Lo sai? Tu sais? Ici, j'ai une très belle fenêtre. Je regarde dehors et peut-être je peux regarder la fleur rouge qui est là en bas. Et en me concentrant sur ça, je peux faire une petite transe pour être un peu plus mieux après, avoir fait reposer un peu le cerveau. Je m'appelle, mi chiamo Arnaldo. Je suis médecin. La plupart du temps, on est plus dans un état de transe que d'éveil réel. C'est pour ça qu'aussi, il est bon de faire des exercices de présence, où on est totalement en éveil au niveau de nos cinq sens, dans la réalité, et on sort du mental. Alexandre Mezzorana, je suis naturopathe indépendant depuis plus de 25 ans, avec une spécialisation en médecine psycho-énergétique, hypnose et magnétisme. La transe, c'est un état physiologique qu'on traverse au moins chaque heure, peut-être seulement quelques minutes ou quelques secondes, pour permettre à notre cerveau de reposer. Mais on est encore très loin de comprendre exactement ce que c'est. La chose, à mon avis, plus importante, c'est que c'est un truc physiologique que nous, on a besoin pour pouvoir vivre bien. C'est comme si la personne, elle était là et à la fois ailleurs. Elle entendait le discours ou une histoire ou une métaphore du thérapeute comme un lointain poste de radio qui baragouine derrière. Mais elle peut partir dans une rêverie totalement différente, ça n'a aucune importance. Disons, il y a toujours plus une conscience dans le monde médical que la suggestion a des pouvoirs thérapeutiques, et donc il faut savoir l'utiliser. Par exemple, dans les publications de Benedetti, lui, il parle du placebo et de l'espoir, et comment les mots peuvent augmenter l'efficacité des traitements, par exemple. Ce qui pour moi c'est important, c'est que pendant la transe, on est très suggestionnable. Ces paroles, elles sont là aussi pour éveiller un potentiel imaginaire. T'écoutes le patient sans écouter vraiment ce qu'il dit, mais t'écoutes l'intonation, t'écoutes les mots-clés, t'écoutes des choses qui d'un coup font comme un gong. Je suis Mara. Je connais un peu la pratique de l'auto-hypnose. C'est pour cela que j'étais très contente de découvrir plusieurs techniques de l'hypnose thérapeutique qu'on a pratiquées avec le docteur Mezzorana. Vous, le mot que vous avez utilisé, c'était gêne, hein? Il y a une gêne, c'est ça? Oui, gêne, honte aussi, ouais, la honte, la gêne. Alors ce mot, on va imaginer qu'il est écrit sur un tableau. Puis à côté du tableau, ben, il y a un seau avec de l'eau et il y a une éponge. Mais c'est un tableau un peu magique, un peu particulier. Alors, pour l'imaginer, pour vous concentrer à nouveau, vous pouvez fermer les yeux et vous ouvrir à cet univers intérieur. Il y a un mot écrit sur le tableau. C'est le mot honte, H-O-N-T-E. vous l'observez et vous pouvez prendre l'éponge et vous pouvez complètement effacer toutes les lettres du mot. Vous frottez bien une fois, deux fois, trois fois et c'est complètement propre, c'est complètement effacé. Il y a un autre mot qui vient automatiquement. Qu'est-ce que c'est le mot qui vient? C'est hop. H-O-P-E? Sans E à la fin. Ah, H-O-P. Ouais. OK. Alors, il y a le mot hop. H-O-P. Et vous pouvez aussi l'effacer. Vous prenez l'éponge et vous frottez bien. Une fois, deux fois, trois fois, c'est complètement effacé. Est-ce qu'il y a encore un mot derrière? Peut-être encore il y a un bout de H un peu mal écrit. Mm-hmm. Et vous frottez complètement ce petit bout de H afin qu'il s'efface totalement. Une fois, deux fois, trois fois, c'est complètement effacé, complètement propre. Et maintenant? Je crois qu'il ne reste rien. Rien. Vous rentrez dans ce rien. Comment vous vous sentez dans rien? Légère. Oui, plutôt bien. Plutôt bien, ouais. OK. Alors, vous flottez dans rien et vous êtes bien, dans un sentiment de liberté, de légèreté. Et vous êtes bien. Et peut-être que dans ce rien, vous pouvez observer un endroit plus clair, où il y a de la lumière. Et vous pouvez rentrer dans cette lumière et vous baigner dans cette lumière où vous êtes bien. J'imaginais bien cette sensation, parce que le moment a dit « vous êtes comme un océan de lumière dans le rien ». Et du coup, le rien, il était derrière le tableau noir. Derrière ce tableau, il y a l'espace. Et vous respirez cette lumière. C'est ton vaisseau. Et tu retrouves, sans la gravité, dehors. Tu n'as pas un équipement spécial. Et là, il y a cette source lumineuse que tu vois et que tu flottes. Cette lumière, elle est forte. C'est votre peau qui respire la lumière. Blanche. Mais là, il y a aussi l'arc-en-ciel qui arrive. Libérateur, guérisseur intérieur, et cette lumière vous accompagne à chaque instant. Vous en avez besoin car vous prenez soin de toutes ces parties de vous-même en vous-même. Alors à nouveau, dans un instant, je vais compter de 1 à 3, et à 3, vous pouvez revenir ici et maintenant, régénéré, revitalisé, accompagné de cette lumière joyeuse intérieure qui active un profond mécanisme d'auto-guérison, de bien-être. Et à trois, vous pourrez ouvrir les yeux avec un regard nouveau sur vous-même, comme un reflet apaisé, purifié. Alors je compte. Avec le 1, vous revenez là, ici et maintenant. Vous ressentez vos pieds sur le sol. Vous entendez les sons extérieurs. Avec le 2, inspirez profondément. Voilà. Et maintenant, avec le 3. Moi, je travaille avec la pensée, avec les paroles, pour changer la perception. Ça peut être des douleurs, ça peut être la peur, ça peut être d'autres questions. Tu peux utiliser les sens pour manipuler tes sensations. T'as mal à l'épaule, alors on fait une induction. Disons, comme le souffle de ton respiration, ça change, peut-être que tu peux percevoir un vent frais qui passe sur ton épaule et qui change et qui enlève la douleur. Il y a une méthode, par exemple, qui consiste à voir la personne parfaitement bien et de densifier cette image pour qu'elle devienne une réalité, de considérer cette personne comme guérie. Parce que quand vous dites que vous êtes malade, les gens vont dire « Oh, le pauvre !» Et ça va mettre une énergie supplémentaire qui va vous alourdir un peu dans cette souffrance, quoi. Quand on n'est pas bien, souvent on est en transe. On a toute l'attention sur ça et on n'arrive plus à sortir. Même on est manipulé dans le négatif. La douleur devient encore plus. Quand on a une personne comme ça, on ne va pas l'induire. Elle est déjà induite. Il faut la réassocier. La douleur au dos, qui est le plus fréquent, que tout le monde, avant ou après, va avoir, qu'il soit cervical ou lombaire ou dorsal, c'est un très bon exemple d'une douleur que, des fois, il n'a vraiment pas raison d'être et que peut-être c'est qu'on l'a créé parce qu'on n'était pas rien dans le mental. Disons, cette capacité à sortir de notre mental nous permet d'habiter notre corps. Parce que si on n'habite pas sa présence, son corps, on peut se faire squatter par un virus, par toutes sortes de choses. C'est vrai qu'avec l'hypnose, probablement on arrive aussi à avoir des influences sur le corps, par exemple le système immunitaire, etc. Pour le moment, je ne crois pas qu'on puisse, en utilisant la pensée, combattre des maladies graves qui ont déjà débuté. Mais qui sait, peut-être qu'on peut les prévenir au moins. Une médecine de la personne au sens holistique du terme. L'être humain est considéré comme tripartition indissociable entre le corps, l'âme et l'esprit. Intégré de manière interdépendante dans son environnement, la nature et l'univers. Faisant partie des éléments de l'eau, de la terre, du feu, de l'air et de l'éther. Je propose à mes patients un échange d'informations lors d'ateliers visant à responsabiliser et à valoriser des ressources permettant d'acquérir une autonomie à la santé. Ateliers de massage réflexe, auto-hypnose, usage de remèdes simples pour la famille et base de connaissances en nutrition. Le gros travail que notre société devra faire, c'est changer comment on vit, pour avoir plus de temps pour soi-même, pour nos affects, et de manger des choses comme il faut, pas de la merde. J'ai été formé, et c'est plutôt dans le cadre de la Société Suisse Médicale d'Hypnose. On n'a pas des principes qui découlent de l'ésotérisme ou de choses mystiques. Je pense que l'hypnose ouvre certaines portes que la médecine traditionnelle occidentale a fermées, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs parties de la médecine que j'ai étudiées qui ouvrent des portes sur le fait d'avoir une vision holistique. Donc de ne pas voir simplement la maladie, mais de soigner la personne. Alors, la médecine générale, la gériatrie, les soins palliatifs sont des médecines qui doivent faire comme ça. Pour guérir, l'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit, des fois il faut utiliser différents paramètres. Puis, je trouve que l'approche des anciens dits magnétiseurs était plus complète sous une forme, disons, souvent religieuse, superstitieuse, etc. Mais les effets sont identiques. Après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les reproduire en cabinet, quoi. Historiquement, il y a eu une série de problèmes. Le premier, c'est qu'on a découvert qu'on pouvait utiliser des anesthésiants pour endormir les personnes. Et donc, l'hypnose n'a plus eu beaucoup de sens dans le moment historique. C'était au 19e siècle. Puis, il y a eu aussi un problème avec Mesmer et le magnétisme animal. À la fin du 1700, quelques années avant la révolution bourgeoise française, il y a eu un phénomène de Mesmer avec le magnétisme animal qui a été évalué par une commission scientifique du roi et qui a dit « c'est que des suggestions ». Cette histoire des anesthésiens, cette histoire de Mesmer qui a été jugée, et maintenant, pendant les années 60, il y a eu un grand théoricien de l'hypnose qui s'appelle Milton Erickson, qui est peut-être celui qui a fait un peu exploser la nouvelle vague d'hypnose à partir des années 60. Et ce qui est très bien de cette hypnose pour moi, c'est que c'est très permissive. On laisse toujours la possibilité de choisir. C'est un état qui fluctue. On peut voir des choses aux IRM fonctionnelles, cérébrales. On sait que c'est un état qu'on peut rejoindre avec l'induction hypnotique, mais aussi avec la méditation. Je peux vous conter un conte que vous pouvez écouter si vous le voulez bien. Les yeux fermés, ou pas, ou pourrait. Les paupières décident. La finalité de faire l'induction, c'est de mettre en transe la personne pour les faire travailler dans le profond. Peut-être des suggestions qui ont déjà été données, on les répète en transe. Guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir. Guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir. Souvent, les tradis praticiens travaillent en groupe, par le chant, par la prière, par des incantations répétitives qui apportent une sorte d'élévation, comme ça, de l'énergie des gens. Guérir, guérir, guérir, guérir, guérir. Guérir. En lâchant un petit peu les systèmes de référencement du mental, de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible, et de rentrer un peu dans cette haute dimension spirituelle, eh bien, on va déclencher des pouvoirs de guérison extrêmement puissants. La guérison, on peut la voir comme le fait de se libérer d'une maladie. Si la myopie est un diagnostic, moi, je guérirai jamais de la myopie. Ben, c'est pas un gros problème, en réalité. Par contre, par exemple, une grippe, on va guérir, mais avec des soins palliatifs. Ça aussi, c'est bizarre, hein? Parce que ça crée une complexité de la chose. L'autre, ça peut être transformer ce qu'on perçoit. Il y a des personnes que finalement, ils disent, voilà, je peux être malade, mais continuer à vivre, au moins. Et ça, pour eux, c'est une guérison, quand c'est un soin. Moi, je dois dire, j'ai eu une expérience que je partage, mais c'est une expérience très lourde. la personne était en train de mourir et la famille qui était autour avait beaucoup de peine à affronter cette situation. Et il y a un livre qu'une personne de cette famille m'a donné pendant ma visite pour dire « Regardez là !» C'était un livre sur la guérison. Le premier paragraphe, il disait « La mort, c'est la dernière guérison. » C'est difficile, non? C'est une question complexe. Moi, je résous la chose en questionnant à mes patients qu'est-ce que c'est pour eux, la guérison. Maintenant, tu fais guérir. Guérir! Tu fais guérir! Voilà. Bon. Comment faire ça? Je m'appelle Julien Marais. J'écris. Et j'ai participé à cette expérience de répéter guérir afin d'atteindre un état de transe en laissant le mot entrer dans ses vibrations. Plus tard, en lisant un recueil de poésie « Et maintenant le noir » de Peter Guizzi, un poète américain, je suis tombé sur une phrase qui m'a marqué et qui pourrait peut-être résumer un peu cette expérience de dire guérir. Je cite « Le silence dans cette pièce enclenche un effet de boucle. » Voilà. Il y a cette idée que bon nombre de maladies ont leur origine dans des choses qui ont été mal gérées, des conflits. En général, s'il est vécu un peu dans l'isolement, on n'a pas pu agir, on n'a pas pu se battre, on n'a pas pu répondre, on a été accusé injustement. Je peux croire que, aussi parce qu'on a un peu d'explications scientifiques, que les émotions puissent créer des maladies. Et je peux aussi croire que traiter des émotions refoulées puissent aider à guérir aussi, même d'un cancer. Pourquoi pas? Surtout parce que ça peut aider à tolérer d'autres traitements, par exemple. Ou toujours dans le cas d'une certaine vision complexe. En travaillant, disons, d'un point de vue énergétique, on amène une sorte de fluidité qui se répercute sur le corps physique et sur le corps plus subtil. C'est un peu comme si on devait dire à l'organisme « Et là, quand je me brûle ou quand je me coupe, tu cicatrises, mais là, il y a une épine depuis des mois et c'est comme si tu avais oublié. Alors, je te rends attentif à cette chose. Alors, développe tout ce qui est en ton pouvoir. Personne ne sait mieux que toi ce qu'il y a de mieux à faire. » C'est ce travail mental qu'on fait. Il aura des effets sur le corps, dans le sens qu'on produit des substances, des trucs, nous, qui nous permettent peut-être aussi de guérir mieux, effectivement, des blessures, pas seulement spirituelles ou psychologiques. Probablement, ça ne change pas énormément du parcours naturel qu'a une blessure d'un couteau à guérir, mais peut-être qu'on peut, ça change avec l'hypnose. Comme de la terre dans le vide, ils attirent des aimants d'autres pierres qui somment, qui dorment. Au fond, maladie comme de la terre, les silences, pulvérisés dans nos sourires. Sombres, désenchantés, nous perdre dans le corps des autres, dans leurs pensées. Nos replis, certains de nos secrets, certaines douleurs dans le dos, aplatis, plaqués, dedans, dessous, ailleurs, et en nous demandant si eux nous regardent aussi une voix dans les feux. Nous, je ne souhaite plus qu'on me raconte des histoires. Nos yeux fondent, des arcs et des prouesses, À combien nos séances d'acupuncture, nos cours de chamanisme, on apprentit des modèles, nos cuirasses, nos habitudes visant l'extraterrestre. Nous observons, nous fouillons les placards, la panière, quand il faudra considérer à nouveau nos vies, nos routes, nos mobiles. En reconfigurant les flux, les linéaments, nos leurres. Pour revenir sans revenir. On va essayer de comprendre son histoire, qu'est-ce qui l'a amené là. On va aussi beaucoup communiquer. Hein. Quand il y a un peu d'écoute et on cherche ensemble de comprendre quel est le besoin de la personne, c'est différent que si on va chez le médecin parce que on a un cancer, on doit faire la chimiothérapie. Mais du moment qu'on parle, qu'on met des mots, déjà on est en train de travailler. Si on dit, bon, t'as mal au cou parce que t'as un problème de communication, c'est pas ça qui va guérir. Par contre, la personne qui va exprimer, ouais, je me sens coincé dans ma situation parce que je suis pas du tout compris par rapport à ce que j'aimerais exprimer. Alors c'est un peu comme si je devais marcher comme avec des œillères pour faire face à tout ça. Et puis du coup, ben, je ne peux plus bouger le cou. Voilà. Non, les émotions, c'est quelque chose de très important. On pourrait presque dire que c'est une partie de notre capacité perceptive. On n'a pas vraiment un organe qui nous permet de percevoir les émotions. C'est quelque chose qu'on perçoit avec tout le corps. Il y a comme des émotions de base, comme la peur, la rage, le dégoût, la joie, la surprise, la tristesse. Et puis il y a tout le reste, comme des couleurs, un mélange de ces émotions. La tendresse, le courage, la confiance, la haine, le mépris. Ça, voilà. La haine et le mépris, pour moi, c'est les deux émotions les plus problématiques. Puis il y a aussi la sérénité, ça peut être une émotion. Bon, ben voilà, alors voilà. Vous pouvez vous mettre là, face au miroir, assez près. Voilà, le corps bien droit, détendu. Fixez le point entre les deux yeux, là. Vous le fixez attentivement. Et puis, après, vous pouvez élargir le regard. Un peu comme si vous regardez à travers vous, comme si vous étiez transparente. Et vous pouvez plonger dans le cauchemar de ce problème dermatologique depuis un certain temps. Vous pouvez plonger un peu comme si vous ressentez, vous vivez les pires moments, les pires situations, lorsque vous souffrez de ce problème dermatologique. Parce que normalement, quand tu regardes miroir, tu regardes toi-même. Et là, ce n'est pas le cas. Tu fixes au milieu de tes yeux et ton visage commence à se transformer. Stop ! Vous ne pensez plus à rien. Vous élargissez le regard comme si vous cherchiez à tout voir sans bouger les yeux. La vision périphérique. Vous entendez tous les sons. Et même, vous prenez conscience du silence entre les sons. Vous sentez le poids de votre corps, votre respiration. Vigilance. Présence. Les sons, la lumière, les sensations. Présence. Stop. Fin du stop, et maintenant vous replongez Dans le cauchemar de cette souffrance liée à ces problèmes dermatologiques, vous le vivez, vous le voyez, vous y pensez, vous le ressentez. Stop ! Vous ne pensez plus à rien. Vigilance, présence, vous surveillez le présent. Vous cherchez à tout voir, à tout entendre, à tout ressentir. Fin du stop. Ça marche super bien, finalement, en deux voyages. Après, on pourrait dire, ouais, c'est un effet placebo, etc. Mais enfin, qu'est-ce que c'est l'effet placebo, hein, si ce n'est que de la suggestion, hein. Dans la médecine, le placebo, c'est un concept que ça sert pour pouvoir comparer deux groupes. Une qui fait un traitement et un qui ne le fait pas, on doit quelque part éliminer la suggestion. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut, avec les suggestions, enrichir le pouvoir du placebo. Mais ça, c'est la complexité. Ce n'est pas que le médicament n'a pas d'effet. C'est qu'il y a plusieurs choses qui jouent dans le même. Alors tu retrouves tous tes sens et la capacité de jugement et d'interprétation de la réalité. Tu peux conserver la sérénité que tu as rencontrée. 3, 3, 2, 2, 1, 1. À ce moment-là, l'hypnose m'a salué, m'a dit au revoir. J'ai été plus calme depuis. Et quand j'ai besoin de plus, je le cherche là où je l'ai laissé, dans un pli confortable, dans ma main gauche. Avec Alexandre Medzoran, Mara Krastina et Mauro Frigeri, alias Arnaldo. Remerciements Amel Naitrouya, Joachim Marais. Trans de dire guérir et lecture, Julien Marais. Autour de son texte « Nulle part le déclencheur », paru dans la revue L'Ours Blanc, aux éditions Aérolimite. Prise de son, montage et mise en onde, Pauline Guiffard. Soignée par l'invisible, deuxième épisode, Transformation. Une création radiophonique de l'Institut international de recherche sur la radio et la magie. Musique, Simone Aubert et Paul